Ézéchiel chapitre 34. La parole de l'Éternel me fut encore adressée, en disant, Fils d'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël, prophétise, et dis à ces pasteurs, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, malheur aux pasteurs d'Israël qui ne pèsent qu'eux-mêmes. Les pasteurs ne pèsent-ils pas le troupeau? Vous en mangez la graisse, et vous vous habillez de la laine, vous tuez ce qui est gras, et vous ne pèsez point le troupeau. Vous n'avez point fortifié les brebis languissantes, vous n'avez point donné de remède à celles qui étaient malades, vous n'avez point bandé la plaie de celles qui avaient la jambe rompue, vous n'avez point ramené celles qui étaient chassées, et vous n'avez point cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez maîtrisées avec dureté et rigueur. Et elles ont été dispersées, faute de pasteurs, et ont été exposées à toutes les bêtes des champs, pour en être dévorées, étant dispersées. Mes brebis ont été errantes par toutes les montagnes, et par tous les coteaux élevés, mes brebis ont été dispersées sur tout le dessus de la terre, et il n'y a eu personne qui les recherchât, et il n'y a eu personne qui s'en enquit. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, si je ne fais justice de ce que mes brebis ont été exposées en proie, et de ce que mes brebis ont été exposées à être dévorées de toutes les bêtes des champs, parce qu'elles n'avaient point de pasteur, et de ce que mes pasteurs n'ont point recherché mes brebis, mais que les pasteurs se sont nourris simplement eux-mêmes, et n'ont point fait paître mes brebis. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, voici, j'en veux à ces pasteurs-là, et je redemanderai mes brebis de leurs mains. Je les ferai cesser de paître les brebis, et les pasteurs ne se repaîtront plus uniquement eux-mêmes, mais je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus dévorées par eux. Car ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, me voici, je redemanderai mes brebis, et je les rechercherai. Comme le pasteur se trouvant parmi son troupeau, recherche ses brebis dispersées, ainsi je rechercherai mes brebis, et les retirerai de tous les lieux où elles auront été dispersées au jour de la nuée et de l'obscurité. Je les retirerai donc d'entre les peuples, et les rassemblerai des pays, et les ramènerai dans leur terre, et les nourrirai sur les montagnes d'Israël, auprès des cours des eaux et dans toutes les demeures du pays. Je les paîtrai dans de bons pâturages, et leur parc sera dans les hautes montagnes d'Israël, et là elles coucheront dans un bon parc, et paîtront en de gras pâturages, sur les montagnes d'Israël. Moi-même je paîtrai mes brebis, et les ferai reposer, dit le Seigneur, l'Éternel. Je chercherai celle qui sera perdue, et je ramènerai celle qui sera chassée, je banderai la plaie de celle qui aura la jambe rompue, et je fortifierai celle qui sera malade, mais je détruirai la grasse et la forte, je les paîtrai par raison. Mais, quant à vous, mes brebis, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, voici, je m'en vais mettre à part les brebis, les béliers et les boucs. Vous est-ce peu de chose d'être nourris de bonne pâture, que vous fouliez à vos pieds le reste de votre pâture, et de boire des eaux claires, que vous troubliez le reste avec vos pieds? Mais mes brebis sont nourries de la pâture que vous foulez à vos pieds, et elles boivent ce que vos pieds ont troublé. C'est pourquoi le Seigneur, l'Éternel, leur a dit ainsi, me voici, je mettrai moi-même à part la brebis grasse et la brebis maigre. Parce que vous avez poussé du côté et de l'épaule, et que vous heurtez de vos cornes toutes celles qui sont languissantes, jusqu'à ce que vous les ayez chassées dehors. Je sauverai mon troupeau, tellement qu'il ne sera plus en proie, et je distinguerai entre brebis et brebis. Je susciterai sur elle un pasteur qui les paîtra, savoir, mon serviteur David, il les paîtra, et lui-même sera leur pasteur. Et moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Et je traiterai avec elle une alliance de paix, et je détruirai dans le pays les mauvaises bêtes, et les brebis habiteront au désert sûrement, et dormiront dans les forêts. Et je les comblerai de bénédictions, et tous les environs aussi de mon coteau, et je ferai tomber la pluie en sa saison, ce seront des pluies de bénédictions. Et les arbres des champs produiront leurs fruits, et la terre rapportera son revenu, et elles seront en leur terre sûrement, et sauront que je suis l'Éternel, quand j'aurai rompu les bois de leurs joues, et que je les aurai délivrés de la main de ceux qui se les asservissaient. Et elles ne seront plus en proie aux nations, et les bêtes de la terre ne les dévoreront plus, mais elles habiteront sûrement, et il n'y aura personne qui les épouvante. Je leur susciterai une plante de renom, elles ne mourront plus de faim sur la terre, et elles ne porteront plus l'opprobre des nations. Et ils sauront que moi, l'Éternel, leur Dieu, suis avec eux, et que, la maison d'Israël, sont mon peuple, dit le Seigneur, l'Éternel. Or vous êtes mes brebis, vous, hommes, les brebis de mon pâturage, et je suis votre Dieu, dit le Seigneur, l'Éternel.